بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله dans cette soirée du samedi 8 ربيع الثاني de l'année 1443 de l'Hégire, correspondant au 13 novembre de l'année 2021. Je suis très heureux d'être parmi mes frères bien-aimés de la ville d'Agadir et de tous ceux qui nous écoutent à travers cette radio, cette diffusion en direct. Avant de commencer et d'aborder le sujet qui a été proposé pour cette rencontre, dans laquelle je n'ai aucun mérite que l'effort d'avoir regroupé les paroles des savants dans la mesure du possible. Donc je disais tout d'abord, je tiens à louer Allah subhanahu wa ta'ala pour ses nombreux bienfaits sur nous tous, dans le plus grand d'une manière absolue est le bienfait de l'islam, le bienfait de l'iman. Et il ne connaît l'immensité de cette ni'ma, il ne connaît l'immensité de ce bienfait que celui qui a connu son Seigneur et qui a connu son unicité. Et aussi la ni'ma d'être guidé dans la sunna. Comme a été rapporté de Mujahid rahimahullah, la adri ayyun ni'matayn alayya a'zam. La adri ayyun ni'matayn alayya a'zam. An hadani lil islam aw afani min hadhihi al ahwa. Je ne sais pas lequel de ces deux bienfaits est le plus immense et le plus grand sur moi de la part d'Allah. Le fait d'être guidé dans l'islam ou le fait d'être préservé de ses passions, de ses égarements, de ses innovations. Car Salaf, ils utilisaient le terme passion pour désigner l'innovation et l'hérésie dans la religion. Tout ce qui a été inventé comme adoration après le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ça, c'est des ni'am immenses qu'on doit se rappeler en permanence. Et plus notre science augmente, plus on réalise l'immensité de ses bienfaits. Et bien évidemment, plus on réalise la grandeur de ces ni'am, plus on va chercher à les préserver et ne pas les exposer aux risques et dangers. Et aussi, un autre bienfait dans notre beau pays, le Maroc, le bienfait de l'amn, la sécurité. Dont nous jouissons dans ce pays. Également, cette ni'ma, il ne connaît sa valeur que ceux qui ont la science ou ceux qui l'ont perdu. Mais les hommes intelligents, ils connaissent la valeur d'une chose avant de la perdre. Quand ils la perdent, tout le monde connaît à ce moment-là la valeur de cette ni'ma. C'est pour ça les hommes intelligents, doués de bon sens, qui connaissent bien leur religion, ils préservent avec tous les moyens ses bienfaits. Et je remercie toutes les autorités et les responsables de nos pays qui contribuent dans la préservation de ces ni'am et dans la protection de ces ni'am. À leur tête, bien évidemment, Sa Majesté le roi Mohammed VI, le gouverneur de notre pays. أسأل الله أن يصلح به البلاد والعباد، وأن يوفقه لكل خير، وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وأن يحفظه في نفسه وسائر أفراد أسرته الكريمة. وأسأل الله أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ علينا وحدتنا الدينية والترابية، وأن يرد كيد المتربسين ببلدنا في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرهم، وأن يؤلف بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. آمين آمين. Donc j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de tous les responsables de notre pays. Et à leur tête, bien évidemment, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qu'Allah le préserve, ainsi que tous les membres de sa famille. Et phase 2, des causes d'épanouissement sur tous les plans pour notre pays, à commencer par le plan religieux, économique et autres. Et vous savez aussi bien que moi que les gens parmi Ahl Sunna wal Jama'a, ceux qui suivent le livre d'Allah et la Sunna de son noble prophète, alayhi salatu wassalam, avec la compréhension des compagnons, qu'Allah les agrée tous, ce sont les seuls qui obéissent à leur gouverneur dans la difficulté comme dans l'aisance, dans ce qu'ils montrent en public comme quand ils sont en secret. Car ceci est une religion pour eux. Ceci est une adoration avec laquelle ils se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'ils ont une invocation dont ils espèrent l'exaucement, ils la réservent pour leur gouverneur, pour tout le bien qu'ils espèrent de leur réforme. Contrairement à toutes les sectes et à tous ceux qui ont dévié de la sunna, tous sans exception, comme l'ont dit les salafs, ils obéissent à leur gouverneur quand ils sont démunis, quand ils sont en position de faiblesse, quand ils ont peur d'eux. Mais dès qu'ils ont une possibilité de les renverser, de s'insurger contre eux, ils ne la ratent pas en général. Le sujet qui a été choisi pour cette soirée est un sujet extrêmement important dans notre religion. C'est un très très grand sujet. Et bien évidemment, dans cette soirée, nous n'allons pas pouvoir l'aborder de tous les points de vue. Ce sujet dans lequel on peut parler d'une manière globale, de trois grands points. Le premier, c'est de passer tous les textes qui ont été rapportés dans le Coran et dans la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs qui sont en lien avec le sujet. La deuxième partie, ça peut être de faire le lien entre ces textes et la réalité des gens, et proposer des conseils, des solutions, des orientations, bien évidemment, sous la lumière de ces textes. Et ça, ça peut être un côté pratique de la question. Et un troisième volet peut être réservé à la réfutation des ambiguïtés au sujet de l'hijra. Sans aucun doute, nous n'allons pas pouvoir aborder tous ces points, mais si Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une autre occasion, nous pourrons parler dans une intervention de toutes les ambiguïtés principales à ce sujet et de leur réfutation chez les hommes de science. Mais comme ils disent, ما لا يدرك كله La yutraku jullu. Ce qu'on ne peut pas avoir entièrement, on ne le délaisse pas entièrement. On essaye d'avoir ce qui est possible pour nous. Al-hijra, dans la langue arabe, ça se dit, comme a dit Al-Raghib al-Asfahani dans Mufradat al-Qur'an, Mufaraqatul insani ghayrah. C'est de quitter, de s'éloigner d'autrui, d'une manière générale. Et ça, cet éloignement peut se faire avec le corps, comme il peut se faire avec la langue, comme il peut se faire avec le cœur. Et il peut se faire avec les trois. Ça, c'est le sens général de l'émigration. C'est-à-dire délaisser et quitter une chose et s'en éloigner et la boycotter avec le corps, la langue ou le cœur ou avec plusieurs ou les trois en même temps. Je disais ça, c'est le sens général. Après le hijra, ça a été utilisé même dans la langue arabe d'une manière particulière pour désigner le fait de quitter une terre vers une autre. Mais religieusement, al-hijra, c'est de quitter une terre de mécréance, un pays de mécréance vers un pays d'islam. Ou de sortir d'un pays dans lequel la tentation est forte vers un pays dans lequel la tentation est moins forte. Donc ça, c'est le sens de l'hijra. Après cette hijra, elle est de trois catégories. Du point de vue de la chose avec laquelle elle sera pratiquée. Comme on a vu, l'hijra, ça se fait avec la langue, le corps et le cœur. Et ça peut se faire avec les trois. Et c'est ça qui est voulu religieusement parlant. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla, quand il a décrit Ibrahim alayhi salam, il a dit Inna Ibrahim kana hanifan muslima wa ma kana min al-mushrikin. Ibrahim était hanif, obéissant à Allah. Soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'était point des associateurs, c'est-à-dire qu'il n'était pas d'eux, ni dans le cœur, ni dans la langue, ni dans le corps. Il s'est éloigné d'eux dans son cœur, c'est-à-dire il s'est éloigné de leurs croyances et de leurs égarements, comme il s'est éloigné de leurs paroles interdites et contraires à la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, il s'est éloigné d'eux de par son corps. Il les a abandonnés, il les a délaissés et il a émigré vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les trois se sont réunis dans l'émigration religieuse. Aussi, l'émigration, elle peut avoir, elle est allée de deux catégories d'un autre point de vue. Le premier sens de l'hijra, c'est un sens général qui signifie de délaisser tous les péchés et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. Ça, c'est l'hijra dans le sens général. Elle a aussi un sens particulier. C'est de sortir d'une terre de mécréance vers une terre d'islam. C'est de sortir d'une terre de mécréance vers une terre d'islam ou d'une terre dans laquelle on subit beaucoup d'épreuves et beaucoup de tentations vers une terre dans laquelle ceci sera moindre afin de préserver sa religion et de préserver sa personne également. Nous allons commencer par l'hijra qui est voulu dans cette intervention. C'est-à-dire l'hijra où il s'agit de quitter une terre de mécréance vers une terre d'islam. Et ceci est une ni'ma immense pour celui pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a permis la pratique de cette adoration. Et on est tenus tous, tous ceux qui ont émigré vers ce pays qui est le Maroc, sont tenus de représenter l'islam comme il se doit dans nos comportements, dans nos transactions, en passant salam aux musulmans, et surtout quand c'est avec un sourire, ça ouvre les cœurs des gens. Et avec la bienfaisance envers tes voisins, avec ce qui est possible pour toi. Donc, réaliser cette ni'ma de l'hijra pour celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a permis cela et d'invoquer Allah en faveur de ceux qui n'ont pas pu pratiquer encore cette adoration jusqu'à aujourd'hui, qu'Allah leur facilite. C'est pour ça on doit réaliser cette ni'ma d'être dans ce pays qu'on a choisi pour nos enfants et pour leur éducation. Donc cette hijra, qui est de quitter une terre d'islam vers une terre de mécréance, est une hijra obligatoire jusqu'à la fin des temps. Elle restera obligatoire jusqu'à la fin des temps pour toute personne qui n'a pas la capacité de pratiquer correctement sa religion. Et si elle peut pratiquer correctement sa religion, cette hijra devient seulement recommandée et non plus obligatoire. Mais ça reste recommandé même pour quelqu'un qui peut pratiquer correctement sa religion dans un pays de mécréance. Et s'il ne peut pas, elle est obligatoire. Et je vais revenir là-dessus, car ça, c'est parmi les points les plus importants au sujet desquels il y a le plus d'ambiguïté. C'est-à-dire la signification de pratiquer correctement sa religion. Je reviendrai dessus, Inch'Allah ta'ala. Donc, par rapport à cette hijra, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens approximatif de ce verset, ceux qui se sont lésés eux-mêmes, ceux qui ont commis du tort à eux-mêmes, verront les anges, ils verront les anges, c'est-à-dire l'ange de la mort, et ceux qui l'aident dans cette mission, les anges qui viennent pour prendre l'âme quand le terme arrive, verront les anges reprendre leurs âmes au moment où la mort arrive, en disant, en quoi étiez-vous donc? Donc, ils leur poseront cette question. Ils leur diront, en quoi étiez-vous? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a empêché d'émigrer? Qu'est-ce qui vous a empêché d'émigrer vers une terre dans laquelle vous auriez pu pratiquer correctement votre religion? Pourquoi vous êtes resté dans les terres de mécréance, sous l'humiliation et la persécution? Et les tentations. Quelle est leur réponse? Ils diront: قالوا كنا مستضعفين في الأرض. Ils diront: nous étions faibles sur terre, nous étions démunis. Ainsi ils répondront. C'est-à-dire, ils ont cité leur excuse. Qu'est-ce qui les a empêchés de sortir de cette ère de mécréance où ils ne pouvaient pas pratiquer correctement leur religion? Donc, ils ont cité cette excuse qui démontre leur attachement à la dunya et leur bassesse. C'est pour ça les anges n'ont pas accepté d'eux cette excuse. Ils leur ont dit: قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها La terre d'Allah n'était-elle donc pas assez vaste pour que vous y migriez? La terre d'Allah est certainement vaste pour trouver un autre endroit dans lequel tu peux pratiquer ta religion. C'est pour ça qu'ils n'ont pas accepté d'eux cette excuse. Mais ils les ont blâmés de cette manière, en leur posant cette question afin de les blâmer. Et nous allons comprendre dans la suite de ce verset que ces personnes-là qui sont concernées étaient dans la capacité d'émigrer, mais ils l'ont pas fait pour une raison ou une autre, malgré qu'ils subissaient du tort dans leur religion et qu'ils ne pouvaient pas pratiquer leur religion. Par attachement à Dunia, par attachement à la famille, les amis, le pays dans lequel ils sont nés et dans lequel ils ont grandi, tout ça ne sont pas des excuses valables. فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا Ceux-là auront pour séjour la gêne et quel horrible sort! Quel horrible sort pour celui qui a délaissé Al-Hijra tout en étant capable de la pratiquer. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit: إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا Allah subhanahu wa ta'ala ensuite, il nous a cité ceux qui font exception à cette menace, à cette terrible menace, dans le sens du verset: à l'exception des faibles et des démunis parmi les hommes, les hommes très âgés, les hommes malades ou les femmes qui ne trouvent pas qui les accompagner, yani qui ont peur si jamais elles émigrent qu'elles soient persécutées ou qu'on leur fasse du mal sur le chemin de l'immigration. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ Et les enfants. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala a cité même les enfants, alors qu'ils ne sont pas responsables. Même ceux qui ne sont pas arrivés à l'âge de la puberté, Allah subhanahu wa ta'ala les a cités comme, il les a cités comme dernière catégorie de ceux qui sont excusés. De ceux qui sont excusés. Et ça, c'est pour nous indiquer que s'il n'y avait pas cette excuse, il serait également blâmé. Et également ces hommes qui sont démunis parce qu'ils sont très âgés ou malades, une maladie qui les empêche de faire le hijra, et ces femmes également. Sinon, ils seraient blâmés comme ceux qui ont précédé. لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا Et les enfants, incapables qu'ils sont de trouver tout seuls les issues et les voies. لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. C'est-à-dire, ils n'ont pas les moyens financiers ni la capacité de quitter le pays dans lequel ils sont. Ou, s'ils ont cette condition, ils n'ont pas la deuxième. Ils ne connaissent pas la route pour rejoindre le Médina vers laquelle était l'Hijra ou vers n'importe quel autre pays de l'islam. Comme ça dit le Qurtubi, rahimahullah, dans son tafsir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait exception de ces trois catégories qui n'ont pas la capacité de faire l'Hijra. Et ceci, comme j'ai dit, c'est pour nous montrer la grande importance de l'Hijra. Même ces enfants qui ne sont pas encore pubères, s'ils avaient la capacité, ils auraient dû la faire. Et pour indiquer à leurs parents qu'ils doivent les accompagner dans l'Hijra et ne pas les laisser dans les pays de mécréance. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, de ces trois catégories qui font exception de la menace, il a dit, فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا. À cela, Allah accordera certainement le pardon, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Asa, comme les savants de tafsir disent, elle est obligatoire en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le sens, c'est pas peut-être Allah leur accordera le pardon. Le sens, c'est que Allah leur accordera le pardon certainement. Wa kana Allah afuwan ghafura. Comme a dit Al-Alusi dans son tafsir, dans le dernier verset, فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ. Cela indique que le hijra est une grande obligation et son délaissement est une chose extrêmement grave dans la religion de l'islam. Au point où celui pour lequel il n'est pas obligatoire, il doit avoir toujours l'intention de l'accomplir dès qu'il aura la capacité, et ne pas se sentir à l'abri en restant dans un pays de mécréance, et ne pas se satisfaire de cela, et attendre la première occasion où cela deviendra possible pour lui pour l'accomplir. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la suite de ces versets, afwan, il dit, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a incité ses serviteurs à accomplir l'hijra en leur promettant tout le bien. Il a dit, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, celui qui émigre pour la cause d'Allah, trouvera sur terre maintes refuges et de vastes richesses. Il trouvera sur terre autre refuge que celui dans lequel il était. Et Allah lui a promis de lui accorder de vastes richesses. Donc ça, c'est la promesse d'Allah. C'est pour ça, comme je dis à mes frères, l'hijra, c'est pas une question d'argent et de richesse. Il y a un minimum de causes à faire, sans aucun doute, mais il faut pas attendre de devenir très riche pour faire l'hijra. L'hijra, c'est une affaire de foi. L'hijra, C'est une question de foi. Et ce qui nous empêche de faire le hijra, malgré qu'on ait la capacité, c'est notre faiblesse de foi. Et non pas notre pauvreté. Car le hijra en elle-même, c'est une cause de richesse. Comme Allah l'a dit explicitement dans ce verset. يجد في الأرض مرارا كثيرا وسعة. Mais cette سعة, cette richesse, peut ne pas venir tout de suite, après des tests et des épreuves, afin de montrer ta sincérité et ta véracité. Sinon, ça serait trop simple. Toute personne qui arrive à la première instant, يعني, il trouve la richesse. Lakin, ça, c'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a promis à ses serviteurs qui émigrent vers lui, qui émigrent dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. La fin de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Celui qui quitte sa demeure pour émigrer vers Allah et son messager, mais que la mort surprend en cours de route, c'est-à-dire sur le chemin et le trajet de l'émigration, Allah a pris son âme. Celui-là, yani, ce verset a une cause de révélation. Un sahabi qui a émigré et qui est mort sur la route. Certains ont dit, si seulement il serait resté à Mecca, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset pour montrer que même cet homme, rien qu'avec son intention, il est sorti dans le hijra, il est sorti vers le hijra, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera la récompense complète de celui qui a émigré dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa récompense est assurée auprès d'Allah et Allah est certes absoluteur et tout miséricordieux. Et dans de très très nombreux versets, Allah subhanahu wa ta'ala a incité ses serviteurs à émigrer et à quitter les terres de mécréance vers les terres de l'islam. Également dans beaucoup de hadiths, le Nabi alayhi salatu wa salam a dit « Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu bayna adhuri al-mushrikin qalu ya Rasulallah walima » قال لا ترى ناراهما. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, je me désavoue de chaque musulman qui réside parmi les associateurs et les polythéistes. Ils ont dit pourquoi au messager d'Allah? Il a dit لا ترى ناراهما, c'est-à-dire quand le polythéiste éclaire sa maison, le croyant doit être tellement loin de lui qu'il ne voit pas son éclairage. Et inversement, c'est ça le sens de ce hadith. C'est pour montrer à quel point le croyant doit s'éloigner des mécréants et des associateurs. Dans un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de l'alliance qu'il y a entre les croyants, entre ceux qui ont émigré dans le sentier d'Allah et qui ont lutté dans le sentier d'Allah, et qui ont fait les efforts pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il nous a parlé de ceux qui ont délaissé l'immigration. Il a dit وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا. Allahu Akbar. Ce verset fait extrêmement peur pour celui qui le médite. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens, mais ceux qui ont cru, donc ils ont bien cru en Allah, ils ont une aqida authentique. Ils suivent la sunna. C'est pas des innovateurs, c'est pas des mouchriquins. C'est des croyants. Mais qui ont délaissé l'immigration. Ceux qui ont cru et n'ont pas immigré, vous ne serez en rien redevables de leur alliance. C'est-à-dire, il n'y a pas d'alliance entre vous et eux tant qu'ils n'auront pas immigré. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. Cette expression en arabe, elle est extrêmement forte. Vous ne serez en rien redevable de leur alliance. Hatta yuhajiru, jusqu'à ce qu'ils émigrent. Qu'Allah nous facilite à tous et facilite à tous nos frères et sœurs d'accomplir cette adoration. Et les hadiths sont très très nombreux également par rapport à l'hijra. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « Amurukum bi khamsi kalimat, amarani Allahu bihin, as-sam'u wa ta'a, wal-jama'atu wal-hijra, wal-jihad. » Je vous ordonne cinq choses qu'Allah m'a ordonné. L'obéissance, l'écoute et l'obéissance, de vous tenir au groupe, c'est-à-dire le groupe des muslimines, l'émigration et le combat dans le sentier d'Allah. Et dans un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « Man jama'a al-mushrika wa sakana ma'ah, fa innahu mithluh. » Celui qui cohabite avec l'associateur et qui vit avec lui, il est comme lui. Bien évidemment, c'est pas « il est comme lui, il est mécréant comme lui ». Mais ça, c'est pour montrer la gravité de vivre avec les mécréants quand on a la capacité de rejoindre les terres de l'islam pour celui qui ne peut pas pratiquer correctement sa religion. Justement, je reviens à cette question de pratiquer correctement sa religion. Et je vais me limiter à une seule parole d'un très très grand savant qui s'appelle Cheikh Hamad ibn Atiq, qu'Allah lui fasse miséricorde, parmi les grands savants de la péninsule arabique, les élèves des élèves de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, qu'Allah leur fasse miséricorde à tous et à tous les savants de la Ummah. Il dit que, je vous résume sa parole, il dit que pratiquer correctement sa religion et mettre en évidence sa religion, il dit que beaucoup de gens pensent que c'est le fait de pouvoir prononcer les deux attestations de foi et d'accomplir les cinq prières et qu'on ne nous empêche pas d'aller dans les mosquées pour prier. Ils pensent que s'il peut prier ces cinq prières quotidiennes dans la mosquée et yani, par exemple laisser pousser la barbe pour la femme, se couvrir et porter le hijab et ainsi de suite, il y en a qui pensent que c'est ça pratiquer correctement sa religion. Jeûner le mois de Ramadan, il ne nous empêche pas d'aller accomplir le hajj, l'umra. Donc ils disent on pratique correctement notre religion et on n'a pas besoin de hijra. Et que cela leur autorise de rester dans les pays de mécréance. Et il dit que ça, c'est une grave erreur. Ensuite, il dit que la mécréance, sache que la mécréance est de plusieurs catégories. Et que le croyant, le musulman, on ne dit pas de lui qu'il pratique correctement sa religion, jusqu'à se distinguer de toutes les sectes de mécréance et de leur montrer d'une manière claire son animosité et son désaveu. Se désavouer des associateurs et leur montrer cela et leur montrer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui accuse le prophète alayhi salatu wassalam d'être un menteur, d'être un imposteur, se désavouer d'eux et leur montrer le statut du prophète alayhi salatu wassalam et qu'il est bien le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi de suite. Donc c'est une obligation pour le croyant de se désavouer de toutes les formes de shirk. C'est ainsi qu'il pratique correctement sa religion. Et ça, c'est ce qu'on appelle Amar bil Ma'ruf ou Nahi anil Munkar. Ordonner le convenable et interdire le blâmable. Et ça, ayez la certitude que toute personne qui le pratique dans un pays de mécréance, elle subira le même sort que son modèle et son exemple, son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kuffar Quraysh n'ont pas expulsé le prophète alayhi salatu wassalam, n'ont pas cherché à le tuer, lui et ses compagnons, parce qu'il faisait salat, parce qu'il disait « Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah ». Parce qu'il jeûnait Ramadan ou parce qu'il faisait tawaf autour de l'Kaaba ou le Hajj. Bien évidemment, c'est pas à cause de cela qu'ils les ont combattus. Mais comme ça a été rapporté de beaucoup d'entre eux, parce que le prophète alayhi salatu wassalam, yusaffihu ahlamahum, kana yusaffihu ahlamahum, ويشتم آلهتهم ويعيب دينهم. Il montrait leur égarement et il montrait la vérité de leur divinité et de leurs idoles. C'est pour ça qu'ils ont cherché à le tuer et qu'ils l'ont expulsé de Mecca. Et que toute personne qui fera cela, elle subira le même sort que le prophète, alayhi salatu wassalam. C'est pour ça, quand le Nabi, alayhi salatu wassalam, il a parlé à Waraqa, de ce qu'il a reçu, il lui a dit que les siens vont t'expulser. Le Nabi, alayhi salatu wassalam, s'est étonné. Tout le bien qu'il disait de lui, le véridique, digne de confiance, celui chez lequel ils laissaient leur dépôt en garantie. Ils vont m'expulser. Il s'est étonné le prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, Waraqa lui a dit, Naam, oui, tu seras expulsé, car personne avant toi n'est venu avec la même chose avec laquelle t'es venu, la vérité est appelée à l'unicité d'Allah et blâmer l'associationnisme et les associâtres sans qu'ils soient expulsés par les siens. Donc ça, c'est une règle. C'est une règle générale. Donc ça, c'est la signification de pratiquer correctement sa religion. C'est pas seulement faire salat et faire zakat. Pratiquer sa religion, c'est d'appeler au tawhid et de montrer l'égarement de l'associationnisme et la mécréance. Et ainsi de suite. En résumé, c'est l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Sinon, si t'es pas capable, si t'as peur pour ta personne, tu dois obligatoirement émigrer vers un pays d'islam. Et ne pas rester dans un pays de mécréance. Car la condition pour rester dans un pays de mécréance, c'est de pouvoir pratiquer correctement ta religion. Ça, c'est la première catégorie qui est le sens particulier, le sens spécifique de l'immigration. L'immigration aussi a un sens plus général. C'est le fait de délaisser tous les péchés et tous les interdits. Comme le Nabi alayhi salam a dit dans le hadith authentique, Al muslimu man salim al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Comme ça a été rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Donc dans ce hadith, le prophète alayhi salam dit le muhajir, l'immigrant, c'est celui qui a délaissé tout ce que Allah lui a interdit. Et bien évidemment, parmi les choses qu'Allah nous a interdit, c'est de résider dans les pays de mécréance, tout en étant capable d'émigrer vers une terre d'islam sans pouvoir pratiquer correctement sa religion dans le sens qui a précédé. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi dans un autre hadith, Al-Muhajiru man hajar al-khataya wa al-dhunub. Il a dit également, Afdalul hijra, an tahjura ma kariha rabbuka azza wa jal. Le meilleur de l'immigration, c'est de délaisser ce que ton Seigneur déteste. Tout ce que ton Seigneur déteste. Tout ce que ton Seigneur a interdit. Comme dans une autre riwaya. Ayyul hijrati afdal, qala man hajara ma harram Allah. Le meilleur de l'immigration, c'est celui qui délaisse ce que Allah a interdit. Ibn Hajar dans Fath al-Bari, il dit que cette hijra de laquelle nous parlons maintenant, l'hijra dans le sens général, elle est de deux catégories également, apparente et intérieure. فَالْبَاطِنَةُ تَرْكُ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ النَّفْسُ الْأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ وَالشَّيْطَانِ وَالظَّاهِرَةُ الْفِرَارُ بِالدِّينِ مِنَ الْفِتَنِ. Donc, l'immigration interne, c'est de délaisser toutes les choses auxquelles appelle الشيطان et l'âme qui appelle au mal, النفس الأمارة بالسوء. Et l'émigration apparente, c'est de fuir les tentations afin de préserver ta religion. Le croyant, il émigre dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala pour plusieurs buts et objectifs, notamment pour préserver sa religion, comme on a vu. Pour préserver sa religion. S'il se trouve dans un endroit dans lequel il ne peut pas pratiquer sa religion, il doit obligatoirement émigrer vers un pays ou vers un endroit dans lequel il peut pratiquer les obligations religieuses. Et on doit savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour concrétiser son adoration. Allah azza wa jalla dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Allah nous dit qu'il a créé les hommes et les djinns. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ. Allah nous dit qu'il a créé les djinns et les hommes pour qu'ils l'adorent. Donc, la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, c'est pour son adoration. C'est pour ça, toute chose qui s'oppose à cet objectif, tu dois t'en éloigner. Si tu vis dans un pays dans lequel tu ne peux pas adorer Allah, tu dois le quitter vers un pays dans lequel tu pourras l'adorer. Allah, il nous a dit dans le verset, « Ya ibadi alladhina amanu, inna ardi wasi'atun, fa'iyaya fa'budun. » Ô mes serviteurs qui avez cru, ma terre est si vaste. N'adorez donc que moi seul. La terre d'Allah subhanahu wa ta'ala est vaste. Va vers le pays dans lequel tu pourras l'adorer. Également, le croyant émigre afin de préserver sa personne et les membres de sa famille. Car tu peux être dans un pays où tu es menacé dans ta propre personne. Tu peux être tué, comme on le voit aujourd'hui dans certains pays où il y a des groupes extrémistes qui tuent les croyants, qui tuent la personne juste parce qu'elle est musulmane et qui suivent les femmes musulmanes et leur font du mal, au point où certains de nos sœurs n'arrivent plus à sortir dans la rue, dans ces pays-là. Donc ça, c'est également parmi les objectifs de l'hijra. Préserver la vie de ta propre vie et la vie des membres de ta famille, de tes enfants. Également, parmi les objectifs de l'Hijra, c'est de renforcer les musulmans et d'affaiblir les mécréants. Car quand tu restes dans un pays de mécréance, tu participes et tu contribues dans l'économie de ce pays-là. Comme bien même tu vis qu'avec les aides qu'ils te donnent. Car comme ils disent, yani, dans l'économie, ils disent que le mouvement de l'argent crée la richesse. Par ta cause, ils font tourner cet argent et créer ainsi la richesse dans leur pays. C'est pour ça, le croyant, il émigre également dans le sentier d'Allah afin de renforcer ses frères musulmans. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit toujours se rappeler, à contribuer dans le progrès du pays dans lequel, le pays de l'islam, vers lequel on a émigré, qu'on soit originaire de ce pays ou pas. Contribuer dans le progrès du pays, notamment avec la da'wa, qui est aussi un des objectifs de l'immigration. Et surtout pour les frères européens. Ces frères-là, ils peuvent être une cause de da'wa pour beaucoup de musulmans dans leur pays d'islam, sans parler, rien qu'avec leur apparence. Et ça, ça touche énormément les gens. Quand ils voient quelqu'un avec un aspect européen, un blanc aux yeux bleus, et ils le voient attaché à l'islam. L'islam, c'est sa raison de vivre. Il affronte toutes les difficultés et tous les obstacles pour sa religion et pour préserver sa religion. Et il le voit dans son apparence. Il suit le prophète, alayhi salatu wassalam. Dans son comportement, il suit le prophète, alayhi salatu wassalam. Et combien de fois, des personnes m'ont fait cette remarque par rapport à certains frères européens qui étaient au Maroc. Ils les observaient d'une manière minutieuse dans leur salat. Quelqu'un d'entre eux m'a dit, il prie exactement comme la prière du prophète, alayhi salatu wassalam. Il suit le prophète, alayhi salatu wassalam, dans tout. Et cette personne qui m'avait fait cette remarque, il suivait la secte yassinite. Je lui dis, tu sais qu'il est dans la vérité et qu'il suit la vérité. Il m'a dit oui. Pourquoi tu fais pas comme lui? Il a dit parce que j'ai vu le prophète alayhi salam dans un rêve. Il m'a dit d'être avec Abdussalam Yassin et d'être dans sa secte. Bien évidemment, il n'a pas vu le prophète alayhi salam comme il est écrit dans les livres de la Sunna. Il n'a même pas vu de visage, juste une voix qui lui a parlé dans son rêve, un shaitan qui lui a parlé. Car la condition chez les hommes de science, pour dire que tu as vu le prophète alayhi salatu wassalam, c'est de le voir avec sa vraie description, comme il a été décrit dans les livres de la Sunna, notamment les livres de Shama'il. Wallah al-musta'an. En tout cas, les objectifs et les fruits de l'Hijra sont tellement nombreux pour le croyant. Il y a une deuxième partie que j'aurais voulu aborder. Je ne sais pas si on aura le temps. Il y a des conseils d'un frère à ses frères en Allah subhanahu wa ta'ala. L'Hijra, je vais essayer de résumer cette partie-là. Et si Allah nous permet une autre rencontre, nous parlerons des ambiguïtés au sujet de l'Hijra. Donc, d'une manière brève, parce qu'on a passé presque une heure, et c'est le temps qui nous a été consacré. L'Hijra, il y a énormément de leçons pratiques à tirer dans la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, et dans sa Hijra. C'est pour ça, tout d'abord, tout ce que je peux dire, vous le trouverez en étudiant l'hijra du prophète alayhi salatu wassalam. L'hijra, c'est une question de foi, comme j'ai dit précédemment. C'est une question de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a ordonné d'émigrer. Et toi, tu t'es conformé à son ordre. Il va t'abandonner, il va te délaisser. Il va pas te donner ton rizq partout que tu sois. Ça, c'est ces pensées du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'hijra, c'est une question de tawakkul. Salam alaikum. Ta confiance en Allah tout en faisant les causes. Ça ne s'oppose pas avec tawakkul. Tawakkul, mes frères, c'est un acte pur du cœur. Les causes ne font pas partie de tawakkul. Tawakkul, c'est un acte pur du cœur. C'est une confiance dans ton cœur, en Allah subhanahu wa ta'ala, où tu lui délègues toutes tes affaires. Salam alaikum. De faire les causes, ça, c'est un signe qui indique que ton tawakkul est correct, que ton tawakkul est conforme au texte, est conforme au texte. Quelqu'un qui fait pas les causes, il prétend être, avoir tawakkul, on lui dit non, c'est pas vrai. Car quant à tawakkul, tu fais les causes. Et regardez toutes les causes que le prophète alayhi salatu wassalam a fait dans son immigration. Il a choisi un itinéraire qui n'était que rarement emprunté par les gens pour aller à Médine. Il s'est caché pendant 3 jours dans une grotte. Et les causes qu'il a fait sont très très nombreuses. Alayhi salatu wassalam. Aussi l'hijra, c'est une question de compagnie. Le Nabi alayhi salatu wassalam, regardez qui il a choisi comme compagnon pour sa hijra. Abu Bakr al-Siddiq. L'hijra, comme je dis à mes frères, c'est un très très grand projet. C'est un projet immense. Et on voit que nos frères, tous ceux qui font l'hijra, d'une manière générale, chacun y fait son projet d'une manière individuelle, comme s'il était le premier sur terre à faire l'hijra. Il ne revient pas à ses frères pour leur demander des conseils et des orientations. Ceux qui l'ont précédé dans ce domaine. Et il fait tout, yani, à sa façon. Il n'y a pas de contradiction entre le fait de réaliser ses projets dans la discrétion et de demander conseil à un nombre de frères, 1 ou 2 ou 3, qui vont bien te conseiller dans cette hijra, à choisir le pays, à choisir. Yani, bien évidemment, quand tu as un pays d'origine, l'idéal, c'est d'aller vers ce pays-là. Sauf si tu veux aller vers un autre pays afin de demander une science qu'il n'y a pas dans ton pays. Ou dans ce pays-là, elle est meilleure. Mais pour s'installer définitivement, d'une manière générale, le meilleur pour toi, c'est ton pays d'origine. Parmi les choses qui peuvent t'aider également dans cette hijra, si tu n'es pas encore marié, c'est de te marier dans le pays vers lequel tu veux émigrer. Ça sera une facilité pour toi de tous les points de vue. Également, un point extrêmement important, dès que tu arrives dans le pays de l'hijra, de ton hijra, c'est de commencer à chercher un moyen pour gagner ta vie. Si tu vois un frère qui arrive et qui fait l'hijra et qui reste à dormir chez lui, il ne travaille pas, il ne fait pas de cause pour gagner sa vie, sache qu'il viendra un jour où il va retourner dans un pays de kufr. Ça, c'est d'une manière générale. Car il est venu avec une certaine somme, il a pu économiser, mais cette somme, même si c'est des millions, ça sera épuisé un jour ou un autre. Donc, même si tu es venu avec un capital, faut chercher à l'investir. Et aussi, il y a beaucoup de choses qu'on peut aborder par rapport à comment investir, à qui faire confiance. Est-ce que si le frère est salafi, ça suffit pour lui faire confiance et de lui donner tout ton argent d'une manière naïve? Tout ça, c'est des erreurs dans lesquelles tombent beaucoup de nos frères qui viennent de ces pays occidentaux vers les pays de l'islam. Et aussi un point avec lequel je vais terminer, inshallah. Il y a d'autres points, mais comme j'ai dit, si Allah nous permet une autre occasion, nous aborderons ce côté-là, le côté pratique, qui est peut-être un des plus importants. Car la plupart d'entre nous connaissent les dalils, connaissent les arguments. Comme une fois, j'ai un cheikh, ça c'est une anecdote, avec un homme de science ici, il m'a dit là, il a été interrogé par un frère, yani entre lui et ce cheikh. Il lui a posé la question par rapport à l'hijra. Il vit en France, mashallah, il a la barbe, le qamis, ses enfants apprennent le Coran, mémorisent le Coran, ils apprennent la langue arabe, et ainsi de suite. Il lui a dit à cheikh, est-ce que je peux rester dans ce pays? Ce cheikh a compris que ce frère, qui était un frère salafi, il a compris qu'il connaît les arguments. Et ce n'est pas de ça qu'il avait besoin. Il lui a donné une réponse, Allahumma barik, qui a été une cause que ce frère, après beaucoup d'années d'hésitation, où il était réticent par rapport à l'hijra, tout en étant convaincu du point de vue de Dalil, mais il avait besoin de cette parole. Et ça lui a été bénéfique et profitable. Il lui a dit, est-ce que tu peux me garantir que tes enfants vont rester dans l'islam et sur ce bien que tu me décris après ta mort? Il lui a dit, je t'épargne la réponse, supposons que oui. Est-ce que tu peux me garantir que les enfants de tes enfants, et ainsi de suite jusqu'à la fin des temps, vont rester dans l'islam? Car c'est toi qui as été la cause de leur venue en Europe, ou là dans un pays de mécréance. Donc, à chaque fois qu'il y a un qui s'égare, tu prends les mêmes péchés que lui jusqu'à la fin des temps. Cette parole, c'était comme un coup de foudre pour ce frère. Et, alhamdoulilah, comme j'ai dit, après beaucoup d'années d'hésitation, il est revenu de l'Umra, il a préparé ses bagages et il est parti, alhamdoulilah, jusqu'à aujourd'hui, il est dans un pays d'islam. Donc nous allons terminer avec ça. Et je m'excuse si j'ai pris plus de temps que ce qui a été prévu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Et en terminant, j'aimerais aussi remercier nos frères dans Dar al-Hadith de Agadir pour m'avoir donné cette occasion. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les aider. Et également remercier les frères de cette radio qui a transmis le cours Ida'at Imam Dar al-Hijra al-Ilmiya, qu'Allah les récompense. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته